L'année 1969 en philosophie marque nos esprits cette semaine, 50 ans après, en France, en Allemagne et aujourd'hui aux États-Unis, où Richard Nixon devient président le 20 janvier, Neil Armstrong le premier homme sur la Lune le 20 juillet, Janis Joplin qui chante à Woodstock en août, 250 000 personnes qui manifestent contre la guerre au Vietnam à Washington en novembre, et le poète Jack Kerouac qui meurt le 21 octobre en s'interrogeant sur la place qu'il occupe en tant qu'écrivain dans la société américaine. Voici donc, avant John Rawls, Noam Chomsky, John Searle, Stanley Cavell et les autres philosophes américains influents en 69, Jack Kerouac lui-même. À quoi suis-je en train de penser? J'essaie de comprendre où je me situe entre les politiciens établis et les radicaux, les flics et les voyous, les inspecteurs des impôts et les vandales. Je ne suis pas un exempté de l'impôt, pas un hippie-yippie, je dois être un pipi au centre. Non, je ferais mieux d'aller raconter à tout le monde ou les laisser me convaincre que je suis le grand-père chenu et le précurseur intellectuel qui a engendré un déluge de radicaux marginalisés, d'insoumis, de bohèmes, de hippies et même de beats. Et ainsi, je peux peut-être me faire un peu d'argent et une nouvelle image now. Et tu me gardes, j'ose me proclamer le précurseur intellectuel de la prose spontanée moderne. Mais je dois d'abord comprendre comment j'aurais pu raisonnablement engendrer Jerry Rubin, Mitchell Goodman, Abby Hoffman, Allen Ginsberg et autres chaleureux êtres humains des ghettos qui disent n'avoir pas moins souffert que les autres. God loved me just like I loved him. I want to do the same just for him. Worms eat away, but the worry what's will win. The worms eat away, but the worry what's will win. Left Montana on an old freight train. The night my father died in the cold, cold rain. Road to Opelousas, road to Wounded Knee, road to Oogalala. Ouais. Never be. Je ferais bien de me convaincre que ces penseurs n'étaient pas sur une route totalement différente. Bonjour Mathieu Hochkorn. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes docteur en sciences politiques et maître de conférences à l'Université Paris 8. Vous travaillez sur les échanges intellectuels entre les États-Unis et la France. Vous avez notamment publié un livre sur la réception française de John Rawls et les théories de la justice aux éditions du CNRS. Et c'est en votre compagnie qu'on va voyager aujourd'hui dans les États-Unis de l'année 1969 et surtout dans les départements de philosophie. C'est assez facile d'imaginer à quoi ressemblaient les écrivains en 69 à la suite des Kerouac. En revanche, imaginez les philosophes américains à cette époque, on a beaucoup moins d'images qui viennent à l'esprit. Oui, alors en effet, hein, quand on pense à l'année 69 aux États-Unis et puis plus largement aux années 60, hein, au monde intellectuel, au monde universitaire en 1960, ce à quoi on pense en premier lieu, c'est à la contre-culture, hein, qu'illustre Kerouac. C'est plus largement au mouvement de contestation qui traverse aussi bien la vie intellectuelle que la société américaine de cette fin de décennie. Et qui se structure autour de différents enjeux, hein, qui sont qu'on peut rappeler, hein, mais qui sont en premier lieu le combat pour les droits civiques, hein, qui est un peu le premier mouvement de cette contestation dans les années 60. Donc les combats pour l'égalité entre blancs et noirs, contre la ségrégation, notamment dans les États du Sud. Alors qui sont plus anciens par ailleurs, hein, mais ce qui change un peu de ce point de vue-là dans les années 60, à partir du milieu des années 60, c'est que jusque-là, le combat pour les droits civiques avait surtout été porté par les Afro-Américains eux-mêmes, par les organisations de défense des droits des Afro-Américains. Et à partir du milieu des années 60, la jeunesse étudiante, en tout cas une partie de la jeunesse étudiante, va rejoindre aussi ce combat. Et notamment la jeunesse étudiante des universités du Nord, donc plus favorisées, souvent la jeunesse étudiante blanche aussi, hein, va rejoindre ce combat pour les droits civiques. Et à partir de là, vous avez d'autres mouvements de contestation qui se structurent, hein, dans la seconde moitié des années 60. Vous avez le mouvement étudiant lui-même, hein, proprement dit, sur les campus, qui va contester tout un tas de choses, hein, qui va contester interroger en tout cas les contenus des savoirs enseignés, qui va contester la relation entre professeurs et étudiants. C'est l'équivalent de mai 68 aux États-Unis. D'une certaine façon, mais à cette différence près que dans le cas de la France, on a une année qui est un point de repère, si j'ose dire, et même un mois qui est un point points de repère. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien avant, qu'il n'y a rien après, mais qui va concentrer, enfin, on a un moment de rupture qui est bien identifiable. Là, dans le cas du mouvement étudiant américain dans les années 60, on a quelque chose de beaucoup plus éclaté, de beaucoup plus étalé dans le temps. Mais voilà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'entre 64 et la fin des années 70, à peu près chaque université va connaître son mouvement social, ses manifestations, ses sit-ins, etc. Et donc des contestations de l'institution académique elle-même, hein, et des modes d'enseignement, des modes de transmission. Voilà, il y a aussi le mouvement féministe, hein, évidemment, qui structure pendant ces années-là. Et puis, pour ce qui est de la fin des années 60, hein, le mouvement qui gagne en ampleur, si j'ose dire, et autour duquel se redéfinissent tous les autres, hein, c'est le mouvement pacifiste lié à la contestation de la guerre au Vietnam. Alors, par rapport à ce contexte politique de contestation et ce contexte de politisation, hein, de la vie intellectuelle, de la vie des campus universitaires, bah c'est vrai que la philosophie se situe peut-être un petit peu en porte-à-faux. En tout cas, la philosophie universitaire se situe un petit peu... Enfin, il y a comme un hiatus entre cette demande de politique et l'état de la philosophie qui se trouve, j'ai envie de dire, peut-être sur une autre route que celle que décrit Kerouac. La raison à cela, c'est que la philosophie américaine de la fin des années 60 offre peu de prise, si j'ose dire, hein, aux préoccupations politiques, aux préoccupations éthiques, aux existentielles, qui sont celles de toute une partie du mouvement étudiant ou de ces mouvements politiques. Alors, à quoi ressemble la philosophie aux États-Unis en 1969. Alors, ce qui domine dans la philosophie américaine à la fin des années 60, hein, c'est des travaux qui vont porter sur le langage, sur la logique, sur les mathématiques, sur la physique, et très peu, hein, du coup, sur la politique ou sur l'éthique, par exemple. Hein. Et cette situation, elle renvoie, si j'ose dire, aux transformations qu'a connues la philosophie américaine depuis 45, enfin, dans les deux décennies qui suivent la guerre, hein, et qui est très largement l'histoire de la conquête des départements de philosophie universitaire américains par un des grands courants de la philosophie du XXe siècle, qu'on appelle habituellement la philosophie analytique, hein, c'est délicat de résumer en deux mots ce qu'est la philosophie analytique, mais disons pour situer les choses que c'est... Personne ne s'accorde vraiment sur cette définition, la distinction avec la philosophie dite continentale. Tout à fait. Alors effectivement, ce qui va être clé, c'est cette bifurcation, si j'ose dire, entre la philosophie telle qu'elle se pratique en Europe, qu'on va appeler la philosophie continentale, et le type de philosophie qui va s'imposer après-guerre dans le monde anglophone, et donc notamment aux États-Unis. Voilà, effectivement, quand on dit la philosophie analytique, c'est pas du tout un mouvement monolithique, hein. Il y a différents moments dans l'histoire de la philosophie analytique, il y a différentes tendances ou écoles. Mais simplement pour situer les choses, c'est un mouvement qui plonge ses racines, en fait, dans la philosophie européenne du début du XXe siècle et de l'entre-deux-guerres, hein. Et notamment dans les écrits de philosophes qui souvent sont aussi des logiciens ou des mathématiciens, comme le logicien allemand Gottlob Frege, par exemple, le philosophe et mathématicien anglais Bertrand Russell, ou bien sûr le philosophe viennois Ludwig Wittgenstein. Et c'est aussi un mouvement qui va se cristalliser, en tout cas une de ces tendances va se cristalliser dans l'entre-deux-guerres à Vienne, au sein d'un groupe de philosophes qu'on appelle le Cercle de Vienne, justement, hein, qui va délimiter les frontières de ce qu'on appelle couramment le positivisme logique, donc va être une formulation particulièrement peut-être un peu dure, j'ai envie de dire, de la philosophie analytique, en tout cas positiviste, et qui est en tout cas la version de la philosophie analytique qui va, s'exporter vers les États-Unis dans l'entre-deux-guerres et pendant la Seconde Guerre mondiale, ne serait-ce que parce que une grande partie de ces philosophes, hein, vont être contraints de fuir le nazisme et les persécutions et vont se rendre aux États-Unis à cette occasion. Alors qu'est-ce qui caractérise ce positivisme logique, hein, qui va devenir la nouvelle avant-garde philosophique dans les universités américaines dans les années 50 et au début des années 60, c'est l'idée que la philosophie doit partir d'une étude du langage, d'une étude des énoncés, des propositions et des conditions dans lesquelles ces énoncés ou ces propositions peuvent être doués de sens. Par contre, par différence avec des énoncés de propositions qui seraient vides de sens, et les énoncés doués de sens, hein, ça va être rapidement pour les positivistes logiques, les énoncés de la logique et des mathématiques d'une part, qu'on va appeler les énoncés analytiques, et les énoncés empiriques, qu'on va appeler les énoncés synthétiques, hein, c'est-à-dire les énoncés qui sont vérifiables empiriquement et qui sont en particulier les énoncés des sciences de la nature et en particulier de la physique. Donc du coup, ce positivisme logique va recentrer largement, hein, les travaux de la philosophie sur ces objets, sur ces domaines que sont le langage, la logique, les mathématiques, la physique. politique et va tendre à exclure tout un ensemble de questions qui, pour certaines, vont être réputées vides de sens. Hein, et notamment dans ce qui va être réputé vide de sens, eh bien une grande partie des questionnements qui intéressaient traditionnellement les philosophes en métaphysique. Voilà, c'est ça. Il n'y a plus de métaphysique. Il n'y a plus ou presque plus de métaphysique. D'éthique. Et également, voilà, également tout ce qui est questionnement normatif, c'est typiquement des énoncés qui ne sont pas vérifiables empiriquement. Donc, toutes les questions auxquelles il n'y a pas de réponse sont évacuées du champ de la philosophie. Qui n'ont pas de réponse, en tout cas qu'on ne peut pas asseoir sur un raisonnement logique, soit dans le développement logique d'un concept ou d'une définition, soit sur qui renvoie à des énoncés qui soient vérifiables empiriquement. Alors typiquement les énoncés éthiques ou politiques, ils renvoient pas à l'être mais au devoir être, donc ils ne sont pas susceptibles de ce type de vérifiabilité empirique. Mais ça exclut tout, j'insiste là-dessus parce que c'est très intéressant pour comprendre ce qui va se passer ensuite, mais ça exclut toute une partie de l'histoire de la philosophie. De Platon jusqu'à Nietzsche. C'est tout à fait, oui, ça redéfinit fondamentalement aussi tout le canon de la philosophie. Hein, c'est-à-dire que les grands auteurs, les pères fondateurs, ça devient Frege, Russell, Wittgenstein, hein, et eux-mêmes. Platon, Hegel, etc. Donc ça redéfinit les questionnements, mais ça redéfinit aussi le canon. Hein, ça redéfinit aussi la liste des grands auteurs. Et voilà, et c'est ce qui explique que par exemple à la fin des années 50, un historien de la philosophie politique comme Peter Laslett a pu dire de manière fameuse, une citation qui est souvent citée, que la philosophie politique était morte. Aux États-Unis, quoi, qu'il n'y avait plus d'œuvres majeures, de contributions majeures à la philosophie politique à ce moment-là. Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit aussi, c'est que cette conquête des départements de philosophie américains par la philosophie analytique, elle est favorisée aussi par le contexte universitaire des années 50 et même dans une certaine mesure par le contexte politique. Les années 50, c'est ce moment où les universités américaines connaissent une expansion très forte et se professionnalisent, se sécularisent. Faut avoir à l'esprit que même certaines des plus grandes universités même les universités dites de la Ivy League, les universités les plus anciennes, les plus prestigieuses des États-Unis, comme Harvard, comme Princeton, etc., avant-guerre, pouvait encore s'apparenter à des petits collèges dont la sélectivité était essentiellement une sélectivité sociale qui pouvait être centrée autour souvent de la Divinity School, donc avec une vie intellectuelle qui était encore très imprégnée de religiosité. Et donc c'est dans les deux décennies d'après-guerre que les universités américaines deviennent ce qu'on connaît aujourd'hui, ces grandes institutions très professionnalisées, tournées vers la recherche. Dans ce contexte-là, ce qui s'impose au niveau des savoirs étudiés, alors en philosophie, mais pas que en philosophie, dans l'ensemble des sciences humaines, en sociologie, en économie, en psychologie par exemple, c'est ce qu'un historien de la période, Karl Schorske, un spécialiste d'histoire intellectuelle, a appelé le nouveau rigorisme, le new rigorism, c'est-à-dire que tous les savoirs qui vont s'imposer dans le contexte des années 50, ce sont des savoirs qui se caractérisent à la fois par leur rationalisme, par leur prétention à la neutralité, notamment la neutralité politique, et par la recherche d'une sorte de grande théorie, par le recours à la modélisation, et par le recours à des dispositifs qui s'inspirent en tout cas du modèle des sciences de la nature, avec la recherche aussi d'une cumulativité, donc de savoir en progrès. Donc c'est vrai de la philosophie, mais c'est vrai aussi des autres disciplines. C'est le moment où l'économie se mathématise, par exemple, autour de Samuelson au MIT. C'est le moment où se développent les grandes enquêtes quantitatives en sociologie. C'est le moment où se développe le behaviorisme en psychologie, donc l'idée d'une psychologie qui soit une science justement uniquement fondée sur l'observation, qui n'ait pas besoin de recourir à l'introspection et à la subjectivité que ça implique. Et pour Schorske, en tout cas, le triomphe de la philosophie analytique pendant cette décennie, c'est la déclinaison dans la discipline philosophique de ce nouveau rigorisme qui caractérise plus largement les sciences humaines et sociales qui se développent dans ces universités américaines après-guerre, qui se développent aussi grâce à l'apport des fondations, comme la fondation Rockefeller, etc., mais justement avec aussi cette contrainte que les attentes de ces fondations peuvent, l'idée qu'elles se font de ce qui est un savoir rigoureux scientifique peut être justement un savoir qui se rapproche dans sa forme, en tout cas, de l'idée qu'on se fait des sciences de la nature. On a aussi beaucoup discuté de savoir, les historiens ont beaucoup discuté de savoir si le contexte politique des années 50, contexte de guerre froide, le contexte de macartisme tout à fait, avait pas aussi pu favoriser paradoxalement cet essor de la philosophie analytique, dans la mesure où ces recherches aussi avant-gardistes et novatrices soient-elles par ailleurs sur le langage, sur les mathématiques, sur la logique, politiquement pouvaient paraître moins inquiétante ou moins suspecte de sympathie communiste que l'existentialisme de Sartre, par exemple, ou que les travaux de l'école de Francfort. Donc on est dans ce, donc dans les, à la fin des années 60, on a encore l'héritage de cette conquête des philosophies, des départements de philosophie américains par cette philosophie analytique. Et je dirais que philosophie analytique, elle va un peu s'entrechoquer avec le mouvement étudiant et avec le mouvement de contestation qui se développe dans ces années-là. That's the same old jive that's been run down for the past 300 years. If y'all so wise and heavy, why didn't you join the strike in the beginning? Y'en a marre, c'est la même rengaine depuis 300 ans. Puisque vous êtes si malin, pourquoi vous ne vous êtes pas mis avec nous depuis le début? Maintenant, il n'y a rien d'autre à faire que d'aller leur dire « Pardon, mais l'université est fermée, c'est la grève. On vous sifflera quand ce sera terminé. » Et pourquoi on ne boycotterait pas le recrutement militaire à l'intérieur de notre université? Non. Eh bien, écoute, pour ça, il n'y a pas 36 solutions, c'est très facile. T'as qu'à aller dans les bureaux du recrutement militaire avec une bouteille que tu remplis avec de l'essence et que tu bouches avec un chiffon. Et si on préfère faire sauter la sociologie, hein? Je vais te dire, un cocktail Molotov, c'est un mélange d'essence et de kérosène. Un mec blanc de gauche, c'est un mélange de merde et de vent. C'est ça, pas d'attendre, de toute façon, pour les blancs, ont les mêmes raisons que les noirs. Mais disons qu'ils y viennent d'une façon différente. Ils y viendront, ne t'en fais pas, sans qu'on ait besoin de changer quoi que ce soit, ça se fera par la force des choses. Tu pourras faire tout ce que tu voudras pour l'empêcher. Mais empêcher quoi? Ce pays est en train de sombrer dans le fascisme. Les flics sont déjà dans le campus. Vous voulez qu'ils viennent s'asseoir dans les amphis? Vous voulez qu'ils viennent chez vous, qu'ils vous suivent dans la rue? Justement, alors. Vous voulez attendre qu'on en soit là pour devenir des révolutionnaires? Vous avez la raison, Moi, je dis que notre université doit être fermée, c'est tout, et que personne ne doit venir nous emmerder. Mais... On a rédigé des programmes, discuté, et en fin de compte, on n'a rien obtenu. Zabriskie Point de Michelangelo Antonioni, réalisé en 69 et sorti en 1970 sur les écrans américains pour évoquer l'engagement ou non des philosophes américains à cette date en compagnie du philosophe Mathieu Hochkorn. Comment réagissent les philosophes qui sont en activité à ce moment-là dans un tel contexte? Vous avez dit à quel point finalement la politique était évacuée de la philosophie. Là, elle fait effraction au sein des campus elles-mêmes. Ils ne peuvent plus rester sourds. Que se passe-t-il alors? Tout à fait. Alors, je pense pour répondre à cette question, faut avoir à l'esprit, enfin, faut regarder deux choses. Faut d'abord voir qu'il y a quand même quelques brèches, et j'ai envie de dire deux brèches qui se sont déjà ouvertes dans les années 60 au sein de la philosophie analytique et qui vont déjà contribuer à l'ouvrir un petit peu à de nouveaux objets ou de nouvelles interrogations. La première, c'est celle qui a été ouverte par ce qu'on appelle souvent la philosophie du langage ordinaire, qui est ce courant de la philosophie analytique qui se développe dans le sillage de ce qu'on appelle souvent le second Wittgenstein, et puis surtout dans les écrits d'un philosophe anglais d'Oxford, qui est John Austin, et qui, à la différence du positivisme logique, hein, va estimer que le rôle de la philosophie, c'est moins de corriger la langue et ses imperfections, notamment logiques, et plutôt de s'intéresser au jeu de langage, ce qu'on peut faire avec des mots, pour parodier le titre de l'ouvrage d'Austin, How to do things with words. Ce qui va déjà réouvrir un certain nombre de champs d'études qui s'étaient un petit peu refermés pour la philosophie, puisqu'on peut étudier les usages du langage dans d'autres domaines que la physique, la logique, on peut les regarder en droit, etc. Par exemple. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, l'année 69, pour ce qui est de la pénétration de cette philosophie du langage ordinaire, elle est marquée par deux parutions qui sont quand même importantes, hein, qui sont d'une part l'ouvrage de John Searle, qui est professeur de philosophie à Berkeley, qui s'intitule Speech Acts, donc qui est un prolongement du travail d'Austin sur les actes de langage, ou les actes de parole, et donc l'idée que les énoncés ne véhiculent pas simplement des descriptions du monde extérieur, mais que ça peut aussi être des manières d'agir, que parler peut être une manière d'agir, ce qui peut-être d'ailleurs peut faire écho à certains égards au contexte politique de l'époque, puisque s'il y a bien un moment dans les années 60 où on se rend compte que la parole est aussi une manière d'agir, c'est bien, c'est bien dans ces mouvements de contestation. Il y a une autre parution importante qui est l'ouvrage de Stanley Cavell, donc dans les deux cas d'ailleurs c'est leur premier ouvrage, hein, Must We Mean What We Say, qui lui aussi s'inscrit dans le sillage d'Austin, tout en définissant une voie finalement assez différente de celle de Searle pour la philosophie du langage ordinaire, puisque l'ouvrage de Searle reste beaucoup plus analytique, j'ai envie de dire, dans sa forme. Quand l'ouvrage de Cavell engage une discussion avec la philosophie continentale européenne et va en plus, à partir de la philosophie du langage ordinaire, et ça sera peut-être de plus en plus vrai par la suite, engager aussi, s'interroger sur le statut de la parole philosophique elle-même, ce qui là aussi peut faire écho à la contestation de l'époque, à la remise en cause de l'autorité professorale, puisque ce que Cavell va interroger, c'est aussi le statut de la parole philosophique, le statut du nous en philosophie, qu'est-ce qui est autorisé autorise le philosophe à parler au nom du groupe, au nom de l'universel, hein, à transformer son jeu en nous, pour reprendre les termes de Cavell, ce qui n'est pas du tout étranger en fait aux interrogations de l'époque et aux mouvements étudiants de l'époque. La seconde brèche qui s'est ouverte, c'est celle qui a ouvert à un autre philosophe qui est peut-être d'ailleurs la figure majeure, hein, de la philosophie américaine des années 50-60, qui est Willard von Orman Quine. Philosophe des mathématiques, de la logique, très très lié au positivisme logique à ses débuts et notamment à un de ses représentants qui est Carnap, mais qui va formuler quelques critiques, qui va introduire un certain nombre de révisions au sein de la philosophie analytique, hein, réviser ce qu'il va appeler les dogmes de certains dogmes de l'empirisme logique, et de la même manière, hein, les révisions qu'il introduit va permettre de réouvrir, si j'ose dire, la philosophie analytique à des objets comme la métaphysique par exemple, hein, ou comme l'esthétique qu'elle avait très largement exclue de son champ d'étude, et elle va aussi ouvrir la voie à des objets comme des interrogations comme la politique, hein, comme on le verra avec l'œuvre de Rawls, puisque Rawls va s'inscrire dans la perspective aussi du cohérentisme de Quine. Donc on a déjà des ouvertures qui créent des nouveaux possibles, si j'ose dire, au sein de la philosophie. Mais des possibles théoriques, là. On n'est pas dans l'action, dans l'engagement. On est sur des possibles théoriques. Et voilà. Mais de l'autre côté, ces philosophes, hein, ils vont rencontrer justement la politique. Hein, la politique qui s'exprime sur les campus, aussi autonome que soit le champ philosophique américain à ses interrogations. On peut pas ignorer cette politique, et ils vont la rencontrer de diverses manières. Certains vont la rencontrer en s'engageant directement, et des fois avec parfois d'ailleurs un engagement qui peut être totalement dissocié de leurs écrits philosophiques eux-mêmes, hein, un engagement qui peut être des fois ponctuel, des fois durable. Dans le premier cas, pour des exemples d'engagement ponctuel, on pourrait prendre l'exemple de Stanley Cavell, qui dans ses mémoires évoque sa participation en 1964 au Freedom Summer, qui a été un des grands moments du mouvement des droits civiques des années 60. Pendant tout un été, plusieurs centaines d'étudiants ou de jeunes enseignants, dans le cas de Cavell, se sont rendus dans le Mississippi pour participer à des programmes de lutte contre la ségrégation, enfin pour favoriser l'inscription sur les listes électorales, enfin mener des actions éducatives pour lutter contre la ségrégation entre blancs et noirs. Et donc Cavell raconte, hein, comment avec une petite délégation d'Harvard, il est parti rejoindre ses volontaires. Et en 64, vous avez des cas d'engagement plus durable, hein, ça serait le cas par exemple de Hilary Putnam, qui philosophe des mathématiques, de la logique, de Harvard, donc des choses qui a priori sont très éloignées de la politique, mais qui dans ces années-là s'engage dans un petit parti maoïste, hein, pendant plusieurs années, et qui va, poser un peu des difficultés à l'université de Harvard, puisqu'il va être un peu lui aussi au sein du corps enseignant un élément qui perturbe un peu la vie académique de Harvard, hein. Il va interrompre les cours d'un de ses collègues jugé trop conservateur, il va encourager certains étudiants à lire les étudiants à lire le petit livre rouge, etc., etc. Donc on a des philosophes qui découvrent, qui sont confrontés à la politique par leur propre engagement. Alors un autre exemple, évidemment, cette année-là, c'est Noam Chomsky, hein, qui est peut-être plus un linguiste qu'un philosophe, mais enfin qui ses interrogations, sur le langage, hein, rejoignent un certain nombre de débats de la philosophie du langage à l'époque. Et on a vu à quel point elle est centrale dans la philosophie américaine à ce moment-là. Et en 69, hein, il publie son ouvrage sur la puissance américaine et les nouveaux mandarins, qui en fait est un recueil d'articles et de conférences, hein, qu'il a prononcées pendant les années 60 en lien avec ou auprès des mouvements de contestation qui s'expriment pendant ces années-là. Donc il y a un ouvrage qui traduit directement, hein, l'engagement de Chomsky dans la seconde moitié des années 60 aux côtés de ces mouvements de contestation, notamment de contestation de la guerre du Vietnam, et qui est peut-être un moment de bifurcation aussi dans la trajectoire intellectuelle de Chomsky, puisque c'est son premier livre qui parle de politique. Jusque-là, il a publié plusieurs de ses grands ouvrages de linguistique ou de philosophie du langage. Là, c'est le premier ouvrage qui traite de politique et c'est le premier d'une longue série, si j'ose dire. Écoutons Noam Chomsky à la télévision américaine. Noam Chomsky is professor of linguistics at MIT and has been active in the peace movement. Professor Chomsky, why did Daniel Ellsberg do what he did? Dan Ellsberg released to the American people information, historical information, about how a series of presidents enmeshed them in a vicious and costly war of aggression. He had every reason to believe that this war was continuing and would continue at the present incredible level of violence. And he hoped, I hope correctly, that if this historical information were brought to the American people, they would do something about it and stop that war. L'archive date de 1971, donc 2 ans après l'année dont nous parlons ce matin, mais elle est emblématique de l'engagement de Noam Chomsky. Alors pour mémoire, il s'exprime sur l'affaire des papiers du Pentagone, où Daniel Ellsberg avait fourni au New York Times 7000 pages de documentation top secrète appartenant au Pentagone et qui semblait révéler des informations concernant le processus décisionnel du gouvernement pendant la guerre du Vietnam. Est-ce qu'il fait figure d'exception, là, Noam Chomsky, dans son engagement? Il va à la télé et il fait presque figure de lanceur d'alerte ici. En tout cas, l'archive date de 71, ça confirme ce que je disais, à savoir que c'est le premier d'une longue série d'engagement de Chomsky. À ce moment-là, il n'est pas le seul. Après, je pense que c'est quand même une figure, de ce point de vue-là, un peu atypique dans le champ intellectuel américain, où la figure de l'intellectuel engagé, comme on la connaît en France, a quand même été historiquement moins centrale et moins importante. Mais donc c'est ce qui le singularise, c'est peut-être de continuer, si j'ose dire, sur cette voie-là. Mais à la toute fin des années 60, on a d'autres exemples de philosophes comme ça qui vont s'engager aussi à côté. Et là aussi, comme pour Chomsky, sans que le lien soit forcément totalement évident entre ce qu'ils peuvent écrire en tant que philosophes et le contenu de leur engagement. Je mentionnais Putnam. On pourrait mentionner aussi l'exemple de Searle, alors qui lui est quelqu'un qui va s'engager et qui va ensuite être déçu, si j'ose dire, voire changer de camp d'une certaine façon, puisque John Searle, dont on a déjà parlé, philosophe du langage en poste à Berkeley, va participer au tout début, va s'associer en 64 au Free Speech Movement qui se développe à Berkeley, donc mouvement en faveur de la liberté d'expression qui revendique le droit de parler politique sur les campus ou d'organiser des événements politiques sur les campus. Et Searle va au début s'associer au mouvement au nom de la défense de la liberté d'expression. Et puis assez rapidement, pour le coup, lui, il va trouver que le mouvement va trop loin et qu'il met en danger et qu'il met en péril l'institution universitaire elle-même. Et il va, à partir de ce moment-là, non seulement se distancier du mouvement, mais même apporter son concours à l'administration de l'université de Berkeley pour essayer de rétablir l'ordre sur le campus de Berkeley. Ce qui, évidemment, va lui créer tout un ensemble d'ennemis dans ce contexte-là, puisqu'il va être accusé d'avoir trahi ses amis, etc. Il va revenir d'ailleurs sur cette expérience dans un autre ouvrage en 71 qui s'appelle Le Campus War, où il fait une analyse du mouvement étudiant et où on peut retrouver ce point de vue un petit peu désabusé qui est celui de Searle sur cette mobilisation étudiante. Alors, de quand date le vrai retour de la philosophie aux préoccupations sociales et politiques? Et il faut attendre 2 ans, il faut attendre la théorie de la justice de John Rawls, j'imagine. Il faut attendre 2 ans. En fait, il date un peu de ce moment-là quand même. Il date un petit peu de ce moment-là quand même parce que. Enfin, je dis retour parce que vous aviez fait cette citation. On dit que la politique était évacuée du champ de réflexion philosophique. Mais quand faisait-elle partie du corpus philosophique? Un philosophe américain engagé politiquement, il y en avait avant? Engagé politiquement, oui. On pourrait penser à Dewey, par exemple, une grande figure du pragmatisme. Par ailleurs, avant-guerre, il y a de la philosophie politique et de la philosophie morale aux États-Unis. Alors, elle est plutôt le fait de ce qu'on appelle les philosophes idéalistes à l'époque, qui sont en général... Pour dire vite, l'idéaliste, c'est une espèce de relecture, soit de Kant, soit de Hegel, qui est souvent très très imprégné de religion. Et d'ailleurs, l'exemple de Rawls, c'est assez typique de ce point de vue-là, puisque le jeune Rawls, quand il est étudiant à Princeton au tout début des années 40, qu'il va commencer à s'intéresser aux questions de politique, d'éthique et aux questions normatives, il va se tourner vers l'éthique chrétienne, vers la théologie morale. Je dirais, il y a déjà de la philosophie politique et de la philosophie morale aux États-Unis avant-guerre, mais quand on fait de la philosophie morale, c'est plutôt de l'éthique chrétienne. C'est plutôt vers la théologie morale qu'on se tourne. Et donc c'est aussi ça qui disparaît dans les années 50 avec le triomphe de la philosophie analytique, mais comme je dis aussi avec ce mouvement de sécularisation des universités américaines. La philosophie politique, elle revient dans les départements de philosophie universitaire, parce que bon, par ailleurs, faudrait quand même dire qu'on en trouve un petit peu en dehors. Elle se réfugie un petit peu en dehors, c'est-à-dire que pendant la guerre, vous avez des représentants de l'école de Francfort qui vont être présents aux États-Unis. Après-guerre, vous avez encore des gens comme Léo Strauss ou Hannah Arendt qui font le gros de leur carrière aux États-Unis, mais souvent ces gens-là sont dans des départements de sciences politiques ou dans d'autres structures que dans les départements de philosophie sont un petit peu à l'écart, si j'ose dire. Du champ philosophique américain, du cœur du champ philosophique américain. C'est un peu dans ces années-là, en tout cas j'ai envie de dire que l'envie de philosophie politique revient chez un certain nombre d'auteurs. Alors chez Rawls, parce qu'évidemment Rawls publie son livre majeur, Théorie de la justice, en 71, mais cette théorie de la justice, elle est déjà en préparation avant. Depuis 20 ans, non ? Elle est déjà en préparation bien avant, ce qui rend compliqué, on y reviendra peut-être dans un instant, la question du rapport de Rawls aux années 60, mais à la politique des années 60. Mais il y a aussi autour de Rawls tout un ensemble de philosophes, de jeunes philosophes qui se constituent et qui commencent à s'interroger sur la question de la désobéissance civile, par exemple, sur la question de la guerre juste, hein, en lien avec la guerre du Vietnam. Il y a un ouvrage récent, d'ailleurs, hein, qui vient de sortir, qui vient de paraître il y a 15 jours d'une historienne de Harvard, qui est Katrina Forrester, qui revient sur l'histoire de la gauche américaine des années 50-60 et sur son impact sur la philosophie politique, hein, et elle reconstitue assez finement, justement, cette effervescence, ces lieux de discussion qui commencent à se constituer très largement autour de Rawls à la fin des années 70. Alors pour ce qui est de Rawls, effectivement sa théorie de la justice, elle est en préparation depuis très longtemps, et c'est d'ailleurs un des éléments qui est un peu fascinant quand on se plonge, comme j'ai pu un petit peu le faire dans les archives de Rawls, c'est qu'on trouve dès l'immédiat après-guerre, hein, des textes de Rawls, des brouillons, des choses comme ça, où il commence à s'interroger sur ce que c'est qu'une société juste, comment les droits, comment les libertés, les ressources économiques doivent être distribuées pour qu'on puisse qualifier cette distribution d'équitable dans des termes qui sont peut-être des termes un peu moins sophistiqués que ceux qu'on trouvera dans Théorie de la justice en 71, mais enfin qui s'en rapprochent très, très largement. Et par ailleurs, hein, Rawls publie Théorie de la justice en 71, mais il a quand même publié quelques articles dans des revues de philosophie professionnelle avant. Et en 57 et 58, hein, on a notamment un article qui s'appelle Justice as Fairness, la justice comme équité, qui paraît dans deux versions un petit peu différentes, donc l'une en 57, l'autre en 58, hein, et au sein duquel, si j'ose dire, la structure de la théorie apparaît quand même déjà très largement présente, hein, et notamment les deux principes de justice de Rawls, hein, les deux principes que, selon Rawls, hein, des individus rationnels adopteraient dans une situation qu'il appelle la position originale. Alors ça c'est plutôt dans Théorie de la justice en 71, hein, par ailleurs, mais les deux principes qu'il choisirait dans cette position hypothétique, le principe de liberté qui prévoit de distribuer les libertés, d'investir les citoyens d'une sphère de liberté la plus vaste possible, et le principe de différence qui prévoit que les inégalités socio-économiques soient à l'avantage des plus défavorisés ou des plus mal lotis, hein, ces deux principes sont déjà présents. Donc le gros de l'architecture est déjà là avant même, hein, la contestation des années 60. Et d'ailleurs, dans l'ouvrage que je citais tout à l'heure de Katrina Forrester, elle, sa thèse, c'est même qu'à certains égards, le libéralisme que Rawls expose en 71 est finalement beaucoup plus proche du libéralisme américain. Alors, faut penser qu'aux États-Unis, quand on dit libéralisme, c'est la gauche, hein, du libéralisme d'après-guerre aux États-Unis que de la gauche, que des mouvements de gauche qui s'expriment dans les années 60. Alors, avant d'ouvrir la théorie de la justice de John Rawls et de mesurer son engagement politique ou non à travers ce livre ou en dehors de ce livre, petit rappel de l'ambiance de l'époque. Attention, Captain Bandini. Attention, attention. Captain Bandini is now performing a femoral popliteal artery exploration and possible graft. As soon as agreement can be reached, all non-South Vietnamese forces would begin withdrawals from South Vietnam. Over a period of 12 months, by agreed upon stages, the major portions of all U.S., Allied, and other non-South Vietnamese forces would be withdrawn. At the end of this 12-month period, the remaining U.S., Allied, and other non-South Vietnamese forces would move into designated base areas and would not engage in combat operations. The remaining U.S. and Allied forces would complete their withdrawals as the remaining North Vietnamese forces were withdrawn and returned to North Vietnam. This is the end, beautiful friend. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rijn. Le 14 mai 1969, Nixon s'adresse à la nation et annonce le retrait progressif des troupes américaines du Vietnam. C'est le début de ce qu'on a appelé la vietnamisation du conflit, qui n'a en fait pas du tout eu pour conséquence le retrait des États-Unis du Vietnam, hein, que les choses soient claires. Mais en revanche, le ton est donné, l'ambiance est celle-ci. On a entendu un extrait du film d'Altman aussi qui sort en 70, hein, MASH, qui montre le ridicule de l'engagement des États-Unis de manière si longue au sein du Vietnam. Comment expliquer que dans ce contexte, et la question vraiment interroge le rôle même de la philosophie, John Rawls publie un ouvrage qui s'appelle « Théorie de la justice ». Est-ce que l'urgence à ce moment-là est celle de proposer une théorie de la justice ? Vous voyez ce que je veux dire ? On reste du côté de la théorie. Ben, en tout cas, oui, on est du côté de la théorie, on est très clairement du côté de la théorie. Hein, c'est-à-dire que il semble même qu'il y ait certaines revendications politiques des années 60 avec lesquelles Rawls pouvait être d'accord, hein, par exemple sur la ségrégation, mais dont il estimait que finalement elles n'étaient pas vraiment du ressort de la philosophie, puisqu'elles relevaient uniquement, en tout cas pas de la théorie, puisqu'elles relevaient uniquement de la question de l'application des principes de justice. Hein, que le cas de la ségrégation entre blancs et noirs dans les écoles, par exemple, c'était une situation de toute évidence injuste, et la question qu'elle posait, c'était uniquement celle de l'application des principes de justice, pas celle de leur définition, de leur élaboration, de leur justification. Ce qu'on pourrait d'ailleurs même se demander, c'est si finalement la question qui se pose le plus urgemment à ce moment-là, c'est la question de la distribution. C'est le paradigme distributif de Rawls, puisque Rawls va largement poser la question de la justice en termes de distribution. Comment, encore une fois, les droits, les libertés, les ressources économiques doivent être distribués dans une société juste, alors que finalement un certain nombre de questions dont on débat à cette époque, hein, c'est la question de la désobéissance civile, c'est la question de la guerre juste, donc d'intervention à l'étranger, alors que Rawls pose la question des questions de distribution dans une société donnée sans poser la question à ce moment-là, il la posera en fait beaucoup plus tard, hein, mais des rapports qu'une société juste peut avoir avec des sociétés, avec d'autres régimes, d'autres types de société ou d'organisation politique et sociale. Et j'ai envie de dire, d'ailleurs, c'est plutôt des questions dont les élèves de Rawls ou ses continuateurs vont saisir, eux, dans les années 70. Hein, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il n'est pas évident que, contrairement à ce qu'on a parfois dit, que la théorie de la justice de Rawls soit l'expression de la contestation politique des années 60. En revanche, ce qui, je pense, est vrai, c'est que cette contestation politique des années 60, elle va créer des horizons d'attente qui expliquent en grande partie le succès de l'ouvrage de Rawls dans les années 70. Il faut le dire, c'est un succès quand même, la théorie de la justice. Ah, c'est un succès colossal, c'est-à-dire que autant avant sa parution, on pouvait, comme le faisait Peter Laslett, penser que la philosophie politique était morte, autant dans la décennie qui suit, on voit se multiplier les ouvrages, les articles de philosophie qui entendent répondre à la théorie de la justice de Rawls, soit pour la défendre, soit pour la prolonger, soit pour la contester, ou lui trouver des extensions. Il y a même un exemple qui est souvent mentionné, c'est il y a une bibliographie en 82 qui est établie, qui vise à recenser tous les ouvrages et articles consacrés à la théorie de la justice de Rawls, et cette bibliographie va en lister plus de 2500, ce qui donne une idée de l'ampleur du débat. Et par ailleurs, du coup, c'est aussi des années où les postes dans les universités en philosophie politique se multiplient. Souvent, ils vont être occupés par des anciens élèves de Rawls ou des gens qui s'inscrivent à l'intérieur du cadre théorique forgé par Rawls. Donc cette théorie de la justice, par contre, elle va en remettant en créant en fait un cadre théorique à l'intérieur duquel les questions politiques peuvent être abordées, c'est ça qui est important et qui explique aussi le succès, tout en s'inscrivant dans le cadre des normes épistémiques quand même de la philosophie analytique qui domine les départements. Il faut quand même le dire, dans la théorie de la justice, Rawls propose de relever un défi qui consiste à essayer de découvrir, à la suite d'une recherche, les principes de justice que devrait adopter toute société dite juste ou bien ordonnée. Et en fait, il y a eu un critère à cette société juste, c'est le critère de l'économie du bien-être. C'est-à-dire que dans la mesure où une société est en droit d'atteindre le bien-être pour la totalité de sa population, alors on peut procéder à ce qu'il appelle une redistribution rationnelle qui a pour but d'augmenter le bien-être de tous. Et si aucun droit essentiel n'est sacrifié au nom de ce bien-être, alors on peut parler de justice. Oui, alors effectivement, il y a deux principes, hein, dans la théorie de la justice de Rawls. Il y a un premier principe et qui est prioritaire pour Rawls, qui est le principe de liberté, qui prévoit que les individus soient dotés de la sphère de liberté la plus vaste possible, pourvu qu'elle soit compatible avec une sphère de liberté aussi vaste pour les autres individus. Et ces libertés, elles se traduisent par des droits. Hein, la théorie de la justice pourrait quand même entrer en résonance, hein, quand même avec les combats des années 60, c'est-à-dire que c'est un libéralisme des droits. Il y a l'idée que les individus ont des droits et que ces droits sont censés quand même protéger leur caractère distinct, leur caractère séparé. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire à ces individus. Il y a des atteintes à leur liberté qu'on ne peut pas opérer, même au nom de principes supérieurs comme le bien-être total de la société, par exemple. C'est le cœur de la critique de l'utilitarisme par Rawls. Le second principe, c'est le principe de différence. C'est celui qui touche à la répartition, aux inégalités socio-économiques, à la répartition des richesses. Et là, la question pour Rawls, c'est de savoir si finalement les citoyens rationnels qu'il imagine, alors qu'il place derrière un voile d'ignorance... fameuse expression du voile d'ignorance. Exactement, c'est la position originelle, c'est le voile d'ignorance, c'est-à-dire que tout principe de justice peut toujours être suspect d'être l'expression d'une morale de classe. Ou d'un intérêt bien compris. Voilà. La voile d'ignorance et permet de dissocier le sujet de ses acquis sociaux. C'est ça. C'est-à-dire l'idée, c'est voilà, qu'est-ce que les individus, quels principes ils choisiraient s'ils ne connaissaient, pas la position qu'ils occupent dans la société. Donc s'ils savaient pas s'ils sont riches ou pauvres concrètement, s'ils ignorent aussi, Rawls va très loin, s'ils ignorent quels sont leurs talents, dans quel domaine est-ce qu'ils sont doués, et s'ils ignorent même, Rawls nous dit, leur conception du bien, leur conception de la vie bonne, c'est-à-dire les doctrines morales ou religieuses en fonction desquelles ils entendent organiser leur existence individuelle. Donc, ça veut dire que la théorie de la justice de Rawls se veut neutre vis-à-vis des différentes religions, par exemple. Il s'agit de formuler des principes qui sont indépendants de tout, de toute doctrine morale ou religieuse particulière. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, il s'agit de se demander, est-ce que ces individus choisiraient une société sans classe, ou est-ce qu'ils accepteraient un certain degré quand même d'inégalité socio-économique. Et la réponse de Rawls, c'est de dire que ces citoyens rationnels accepteraient sans doute ou trouveraient justifiées des inégalités qui, les seules inégalités qui, par leur retombée positive, pourraient être à l'avantage aussi des plus mal lotis ou des plus favorisés. Donc, voilà. Mais c'est une enquête théorique, c'est-à-dire qu'elle se base pas sur des sondages ou des statistiques. Ah bah du tout, non, c'est une expérience. Sur la rationalité déjà de chaque sujet. C'est une expérience rationnelle, effectivement. C'est une expérience rationnelle et qui se veut une manière de renouer avec la tradition du contractualisme en philosophie politique. C'est pour ça que Rawls s'oppose à ce qu'il considère être le courant dominant dans la philosophie politique et morale anglophone, qui est l'utilitarisme. Et il entend, à l'inverse, renouer avec le contractualisme. Et il considère que cette position originelle, en fait, porte, c'est ses termes, à son plus haut niveau d'abstraction, les idées qui étaient à la base des doctrines, des théories du contrat social ou des doctrines du contrat social. Mais j'ai envie de dire, ce faisant, ce qui est très frappant avec l'ouvrage de Rawls, c'est que ce qu'il essaye aussi de faire, enfin, il renoue avec une question finalement très traditionnelle de la philosophie, qu'on pourrait faire remonter jusqu'à Platon, qu'est-ce qu'une société juste, mais dans un style qui se veut conforme aux exigences de la philosophie analytique de son temps. À la fin de Théorie de la justice, il dit, quand il veut qualifier le statut de sa théorie de la justice par rapport à d'autres théories, il dit c'est une théorie comme les autres, et il renvoie au texte de Quine que je mentionnais tout à l'heure, et au cohérentisme, c'est-à-dire à la manière dont Quine a décrit le statut d'une théorie logique ou enfin de théorie dans d'autres domaines que celui de la politique. Donc c'est une manière de faire de la théorie politique normative sans sortir du cadre d'une philosophie analytique élargie, et ça allait pas de soi à l'époque, quelques années avant, par exemple Herbert Marcuse, qui est un philosophe de l'école de Francfort, mais qui avait émigré comme d'autres membres de l'institut de Francfort aux États-Unis pendant la guerre, et qui lui, à la différence de Durkheimer et Adorno après-guerre, a continué à est resté aux États-Unis, a continué à faire sa carrière aux États-Unis. Marcuse, alors lui, est un peu à part, mais lui, par contre, c'est un philosophe dont les ouvrages vont être brandis par les étudiants, d'ailleurs aux États-Unis comme en Europe. Et en 65, il publie un ouvrage qui s'appelle L'homme unidimensionnel, qui est en fait une critique de la société américaine, du capitalisme américain. Et dans cet ouvrage, il s'en prend à la philosophie analytique comme l'expression d'une espèce de consensus conservateur, comme l'expression en philosophie du consensus conservateur qui dominerait les institutions de la politique américaine. Et il cible d'ailleurs très directement aussi bien Quine que la philosophie du langage ordinaire comme l'expression de ce consensus. Donc le fait que la philosophie analytique pendant très longtemps ne se soit pas occupée de politique et l'apolitisme, la neutralité qu'elle revendique est réinterprétée comme une manière en réalité d'occulter la politique et d'occulter tout ce qui va avec, rapport de pouvoir, rapport de domination. Ce que fait Rawls, c'est un peu l'inverse. Il essaye d'inventer une voie au sein de la philosophie analytique qui permet de renouer avec une théorie politique normative, avec une interrogation sur le bon, sur le juste, sur ces choses-là. Précisément, et le fait que le travail de Rawls soit encore étudié aujourd'hui, qu'on en parle encore aujourd'hui, montre à quel point l'utilité de la philosophie, y compris dans les moments de conflit politique, n'est pas forcément d'ordre pratique, où le philosophe devrait sortir, manifester ou faire la grève ou être du côté des étudiants, pourquoi pas, mais c'est très différent du travail philosophique lui-même qui peut être extrêmement fécond. Et la théorie de la justice en est la preuve. Peut-être que l'utilité de la philosophie à ce moment-là, elle est théorique. C'est possible. Enfin, en tout cas, ça va être le point de départ d'un renouveau théorique pour lesquels, et qui va cette fois-ci par contre donner prise au questionnement politique de toute une génération. C'est-à-dire que quand on discute avec des élèves de Rawls qui se sont formés au contact Rawls au tout début des années 70, certains vous disent que justement, jusqu'à ce qu'ils découvrent Rawls et sa philosophie, ils dissociaient totalement ce que pouvait être leur conviction politique ou leur engagement politique d'un côté et leur intérêt pour la philosophie de l'autre. Et à partir de là, certains vous disent que c'est en découvrant Love the Rolls qu'ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient désormais trouver un prolongement à leurs interrogations éthiques ou politiques dans la philosophie et dans le cadre professionnel que pouvait leur offrir la philosophie. Vous ne croyez pas si bien dire, si on se glisse sur les bancs de l'Assemblée nationale du Québec, c'était l'an dernier, figurez-vous qu'on y parle de John Rawls, c'est le député Gabriel Nadeau-Dubois. Ministre, c'est comme moi que ce que fait John Rawls, c'est une expérience de pensée, hein? C'est pour ça qu'on le connaît beaucoup, l'expérience de pensée du voile d'ignorance ou de la position originelle, et c'est un outil philosophique que John Rawls utilise pour réfléchir à ce qui est juste et ce qui est injuste. Et pour identifier les injustices sociales, John Rawls, donc, invente cette expérience de pensée, cette mise en situation théorique, philosophique, où il nous dit, pour savoir ce qui est juste et injuste, il faut s'imaginer des citoyens, des citoyennes rationnelles, mais placés dans une position d'ignorance quant à leur position réelle dans la société. D'où la fameuse idée du voile d'ignorance. Il nous dit, on met les citoyens, citoyennes sous un voile d'ignorance. Ils ne savent pas s'ils vont devenir riches, s'ils vont devenir pauvres, s'ils vont être en haut ou en bas de l'échelle sociale. Et dans cette position-là, ils sont à mieux de débattre, de délibérer ensemble de qu'est-ce qui est une structure sociale juste et qu'est-ce qui est une structure sociale injuste. Parce que sous ce voile d'ignorance, on permet aux gens de ne pas être influencés dans leurs délibérations par leurs intérêts personnels. Est-ce qu'on pourrait imaginer à l'Assemblée nationale en France qu'un député s'adresse comme ça au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale en citant John Rawls? Vous pensez que c'est proprement nord-américain? Et alors il y a déjà eu quelques, c'est déjà arrivé que Rawls soit cité à l'Assemblée nationale en France, pas de manière aussi longue et aussi détaillée, faut bien dire ce qui est. Par ailleurs, si on allait chercher, parce que je connais un peu mieux, par ailleurs ce que je connais le mieux, je pense la réception française de Rawls, on trouverait, il y a toute une réception politique de Rawls à la fin des années 80 et au début des années 90, notamment au Commissariat général du Plan. Là, ce qui est intéressant dans l'échange, c'est que je pense qu'il n'est pas simplement typique, vous disiez les sociétés anglo-américaines. Enfin, il marque un contraste aussi entre le contexte canadien et le contexte américain. Vous voyez pas ça au Parlement américain. Je pense que c'était beaucoup plus possible. Je dis ça un peu gratuitement, mais dans le contexte canadien, que dans le contexte américain, et que la philosophie politique est beaucoup plus mobilisée publiquement au Canada qu'elle ne l'est aux États-Unis, où au contraire beaucoup de philosophes ont le sentiment d'une coupure un peu radicale avec le monde politique serait extensu. Par ailleurs, Rawls aurait peut-être été le plus surpris de cet échange, parce que dans la mesure où c'est à certains égards c'est l'exemple même du philosophe resté dans sa tour d'ivoire. À la fois c'est celui qui fait entrer la politique en philosophie et c'est celui qui n'a jamais hasardé un pied en politique ou presque. Il a des fois été confronté à la politique à Harvard et Cavell encore lui raconte dans ses mémoires comment en 69 justement avec Rawls ils se sont fait les porte-parole d'un groupe d'étudiants afro-américains qui réclamaient la création d'un cursus d'études franco-américaines, mais d'intervention proprement politique dans le champ politique américain, on n'en trouve pratiquement pas chez Rawls, à part peut-être une motion en 66 qu'il a co-rédigée et co-signée avec d'autres philosophes, où il protestait contre les conditions de la conscription dans le cadre de la guerre du Vietnam, et notamment le fait que les reports qui étaient donnés, qui pouvaient être donnés aux étudiants qui terminaient leurs études, créaient une injustice forte entre les étudiants les plus favorisés ou les plus diplômés et les autres, puisque du coup le poids de la conscription pesait de manière très peu équitable, si j'ose dire, selon l'origine sociale ou le niveau d'études. Il nous reste moins de 2 minutes, Mathieu Hochkorn, pour proposer un état des lieux de la philosophie après 69 ou après la théorie de la justice. Est-ce que vous acceptez de relever le défi? Eh ben, on y va. C'est comme je disais, je pense que en revanche, le contexte politique des années 60 crée des horizons d'attente qui expliquent le succès de l'ouvrage de Rawls et le renouveau de la philosophie qui suit. Alors ce renouveau, il va notamment se faire dans une revue qui se crée en 71, mais dont la création débute justement en 69, enfin la toute fin des années 60, qui est Philosophy and Public Affairs, où vont écrire les élèves de Rawls, puis un certain nombre de philosophes, Robert Nozick, Gerald Alan Cohen, Ronald Dworkin, qui vont être les grands noms de ce renouveau de la philosophie politique américaine des années 70. Et là, on va trouver discuter tout un ensemble de questions qui sont un peu celles des années 60, en fait. On va voir discuter les questions de la désobéissance civile, alors qu'apparaissait déjà dans le livre de Rawls. Il faut quand même le souligner. Mais c'est là aussi que vont paraître les premiers articles du marxisme analytique d'un auteur comme Gerald Allan Cohen. On va trouver des articles, notamment un article important dans le premier numéro en 71 d'une philosophe qui est Judith Jarvis Thompson, qui est un argumentaire pour le droit à l'avortement. Donc on voit bien là aussi comment ça renoue avec les, comment ça permet de créer un pont avec les revendications du mouvement féministe pendant ces mêmes années. Et puis c'est aussi dans les colonnes de cette revue que se noue le débat autour des guerres justes et injustes, hein. Et il faut mentionner de ce point de vue-là l'apparition en 77, donc presque 10 ans après, ouais, le début de ces réflexions, hein, de l'ouvrage de Michael Woods, Guerres justes et injustes, hein, qui évidemment développe une réflexion qui s'enracine historiquement dans les discussions autour de la guerre du Vietnam de la décennie précédente. Eh bien, en voilà des lectures que vous proposez à nos auditeurs. Merci beaucoup Mathieu Hochkorn d'être venu nous parler ce matin. Du rôle des philosophes en 1969 aux États-Unis. On peut lire surtout votre livre « La gauche américaine en France, la réception de John Rawls et les théories de la justice » aux éditions du CNRS. On se quitte, 69 oblige, à Woodstock avec Janis Joplin, « Cry Baby ». Janis Joplin ! Cry ! You know she told you, yeah. I know she told you that she loved you much, much more than I did. But I know she left you, and you swear that you just don't know why. But honey, you know that I'll always be right. To take your pain and all your heartaches. And only you know that I'll always, always be around. If you ever want me, come on and cry, cry, baby. Cry, baby. Cry, baby. Honey, like you always. True, darling, that the grass always looks greener when you're looking in somebody else's yard. But honey, you know the real thing was waiting for you at home. I saw you did. I had a man. He said, honey, honey, you know that I love you. I gotta go find myself, you know, I gotta go find my life. I gotta go find myself over in Africa, or over in New York City, or over in Olima. Someplace those cats are always wandered off to. I never figured out exactly where it was. They're always going somewhere, man. And I said, baby, don't you realize you're looking for your life over there, honey? I know where your life is. Your life's waiting like a goddamn fool right here. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le Woodstock de la philo, chanté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, vous êtes en quête d'une figure bien connue mais difficilement saisissable. Oui Adèle, ça va vous surprendre, mais je suis à la recherche du vieux con. Vous savez, celui qui répond toujours présent au repas de famille, sur les plateaux télé ou dans les files d'attente, toujours présent. Qui est-il cependant, ce vieux con? Est-il toujours vieux? Est-il tout le temps con? Vous trouverez peut-être que ma question n'a rien de philosophique et pourtant, la connerie n'est pas sans lien avec l'intelligence ou avec la bêtise. Deux ouvrages en témoignent, Que faire des cons de Maxime Rovert et Une psychologie de la connerie. Mais être con n'est pas forcément être vieux. Et inversement, être vieux n'est pas forcément être con. Ma recherche est donc plus spécifique que ça et elle m'a été soufflée par cette actualité. Elle dit la vérité. C'est une fille de 16 ans qui nous dit la vérité. Ce qu'elle dit, c'est ce qui est écrit dans les journaux tous les jours. Exactement. Rien d'autre que ça. Personne ne dit autre chose que ça. L'appel des 15 000 scientifiques. Vous avez vu les ministres qui la reprennent ouais, C'était arrogant. C'était arrogant et dommage. C'est un paquet de vieux cons. Vraiment. Vraiment. T'as une fille de 16 ans qui, avec sa naïveté, son utopie, nous disent qu'elle a entièrement raison. Vous l'aurez compris, il est question de Greta Thunberg, ado de 16 ans, tant détestée par un paquet de vieux cons, selon Yann Arthus-Bertrand. Cette mention de vieux cons dans la bouche du photographe écolo qui aime tant les îles en forme de cœur a de quoi faire rire. Il s'est d'ailleurs vu répondre que quand on a explosé son bilan carbone en prenant des photos en hélico, on se demande qui est vraiment le vieux con dans l'histoire. D'où mon interrogation, qui est donc le vieux con? Le vrai vieux con. Alors je sais bien qu'il s'agit d'une expression courante, mais je n'ai pas trouvé de définition précise, comme si l'intuition suffisait à la comprendre. Même en me tournant vers le grand linguiste Alain Rey, pas de trace dans son dictionnaire historique du vieux con, ni à con, ni à vieux. Suis-je donc, comme Saint-Augustin avec le temps, à savoir ce qu'est un vieux con, mais sans parvenir à le définir? En tout cas, il ne semble pas y avoir de définition stable du vieux con, il est toujours celui de quelqu'un d'autre et en désaccord avec lui. Mais est-ce suffisant? J'ai longtemps été un jeune con et puis j'ai beaucoup changé, comme vous savez. Et ben, je suis devenu un vieux con. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est que longtemps, j'ai été jeune. J'ai été jeune longtemps et personne ne me disait jamais « comme vous avez l'air jeune ». Et puis, depuis quelques années, on me dit beaucoup « comme vous avez l'air jeune ». Et c'est comme ça que j'ai compris que j'étais devenu vieux. Un vieux con a-t-il forcément été un jeune con? C'est ce qu'on se demande en écoutant Jean d'Ormesson. Comme on l'a vu, le vieux con, c'est toujours l'autre auquel on s'oppose, mais cet autre est-il forcément vieux? C'est vrai qu'en y pensant, je dois reconnaître que les vieux cons que j'ai pu rencontrer étaient plus âgés que moi. Autre caractéristique, ils étaient tous des hommes. Et oui, on dit rarement d'une femme qu'elle est un vieux con. Mais alors, est-ce seulement une question d'âge et de sexe? Car il faut le dire, si Yann Arthus-Bertrand ou Jean d'Ormesson sont des mâles d'un certain âge, et donc potentiellement des vieux cons, les mâles d'un certain âge ne sont pas tous des vieux cons. C'est alors qu'une incise d'Alain Rey dans son dictionnaire m'a révélé quelque chose. Au XVe siècle, l'adjectif « vieux » commence à être utilisé pour renforcer un terme déjà péjoratif. Exemple, « vieux salaud »,« vieille vache » et j'ajoute donc « vieux con ». Doit-on alors dire que le vieux con est un con de base qui parvient à s'augmenter lui-même dans sa connerie, sexe et âge aidant? Merci vieux con, t'as vu le bordel que tu nous laisses. Merci vieux con, en plus maintenant faut te payer l'hospice. Veuillez laisser cet endroit dans le même état que vous aimeriez le trouver vous-même. C'est con que t'as marqué ça uniquement dans tes shots. Âge, sexe, altérité, opposition, je vois le vieux con se dessiner, mais je ne suis pourtant pas convaincue. C'est trop facile de miser sur un concours de circonstances, de penser qu'il n'y a rien d'universel chez le vieux con. C'est qu'il ne faut pas se tromper, le vieux con n'est pas forcément lié à des traits physiques ou sociaux précis, telle cause entraînant tel effet. Pourtant non, j'ose le dire, le vieux con a quelque chose d'inaltérable, de reconnaissable entre tous, d'essentiel. Et je crois que tout est là, le vieux con parle beaucoup. Il pontifie, il largue, il affirme, il a un avis mais jamais le bon. Et pas parce qu'il n'est pas le même que le mien, mais parce qu'il est justement le même que tout le monde. Tout en pensant qu'il est plus pertinent que les autres. Vous le voyez le vieux con là? Croyez-moi, c'est une parole de petite conne. Ah non, je vous laisse pas parler de vous en ces termes Géraldine. Si si, petite conne, ça me va. Oh bon, on peut réécouter votre chronique en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Manon de la Salle avec Jules Barbier, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui réalise pour vous cette semaine. À la prise de son aujourd'hui, c'est Valentin Bobinet. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour de l'année 1969 en philosophie. Demain, nous serons en compagnie d'Hélène Cixous. Elle vous parlera de ce qu'était être une femme en 1969, une femme intellectuelle, une femme philosophe. Bref, ce sera son portrait et son témoignage que vous pourrez entendre demain à 10h. D'ici là, pour écouter cette émission ainsi que les précédentes sur la série 69 années philosophiques, c'est très simple. Rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pouvez écouter chaque émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. L'équipe des chemins de la philosophie vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux où un compte Instagram, un compte Twitter et un compte Facebook vous attendent pour laisser en ligne vos remarques, vos commentaires et découvrir chaque jour l'émission du jour. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.